T'es 1982 déjà porté, qui prétend les vendre, c'est quand même, tu vois ce que je veux dire, c'est ça en fait le truc, c'était vraiment ça le truc. Donc voilà, donc c'était la chronique de Jojo sur la 25e. Merci à tous les auditeurs comme d'habitude. Ce soir c'est assez calme. Il y a des soirs où ça sera plus la bagarre. Plus houleux quand même. La bagarre. Le mois prochain, on parlera, on fera une spéciale RIP, donc une spéciale Mac Miller. Je vous parlerai un peu de Mac Miller, un grand artiste qui nous a quitté cette année. Et gros big up à tout le monde. Bonne soirée à vous. Merci à tous les auditeurs. C'était la petite chronique de Jojo sur la 25e avec Younes. Salut. Ciao. Et Jojo. Bonne soirée à tous. Et Black to Black. Et moi, je voulais dire quelque chose pour ceux qui nous écoutent régulièrement. En fait, officiellement, là, on va jusqu'au 1er août. Donc, l'émission, on la mettra avant le 1er août. Voilà. Et le 1er août, on fait open mic de fermeture. Géant. Je viendrai. Aïe. Je sais pas si Jounes il sera là. Je ferai 2 heures d'open mic. Ceux qui veulent venir, d'être là. Ils viendront. Moi, je serai avec toi, moi, sur le. Voilà. Sur le ouais, j'essaierai de ramener un ODM. Vous êtes tous le bienvenu pour aller. Voilà, ceux qui veulent passer du mic. Kicker un petit coup. Jounes, t'es pas au courant, je viens de lui annoncer. Je crois pas être là, je crois que je suis pas là. Non, calme, moi je serai là. Ce sera ouvert. On assurera la permanence. Un siège de libre pour le freestyle. Un grand siège, bien. En tout cas, merci RTZ pour le débat. Désolé, on a un peu. De rien, il n'y a pas de galère, mon ref, ça fait toujours plaisir. Tu sais très bien. Merci aux auditeurs, comme d'habitude. La 25e, ça bouge pas. Merci à tous. Et big up Bab to Black, big up à Gore, qui est là, dans l'ombre. Yes, big up à Gore. Yes. Et à bientôt, on se voit la semaine prochaine. Je vous dis pas l'invité, vous aurez qu'à écouter. Et puis voilà, c'est tout. Hein. 22h minuit, la 25e, radiosud.net, 101.8. Comme d'hab. Bonne soirée à tous. Songs never shady, mine is strong. This is for me. Use the phone. Come on, please don't wait too long. Cause I got plenty of songs. Never shady, mine is strong. This is for me. Yeah. Use the phone. Yeah, my friends told me about this guy who's got a label who can hook me up. My attitude, but then is I really didn't give a fuck. Tell me what you want, and I got it. D'accord, je chante le pari, je suis peut-être taré, mais je te ramène à Paris. C'est pas qu'un Rissa, R&B à Rissa. Et puis c'est juste ce qu'il faut pour foutre le feu à Ripa. So what's your name? Ah ok, baby, monte dans la gova qu'on organise, pépèrement le délit. Tu veux donc chanter, c'est ça, t'es prête à venir en français à tout tenter. Yeah baby, I'm like, come on, please don't wait too long. Cause I got plenty of songs, never shady, mine is strong. This is for me. Pas de limousine, mais t'inquiète chérie, on n'est pas des losers. L'année prochaine, peut-être que t'en auras des douzaines, mais cette année, il y aura pas des douceurs. Pas jouer au fort à bosser 12 heures, exposer le boomer, sans presser, sans stresser, juste avec une MPC, bébé, bébé. Envoie les hooks, qu'on nique les dance floor, qu'on fasse mouiller les fous, et puis qu'on foute les belles bords. Faut que ça burns, faut que ça frappe, faut que ça fuse, faut que t'abuses. Vas-y, rends les gueux d'un toy, sans ton style qu'un riz, qu'on fasse bouger les cailles, Chicago à Paris. péter. La dream team pour te faire péfler. En gros, tout ce qu'il faut pour te faire pétrir. Quant à la touche féminine, et ben c'est toi qui l'amène. T'as vu les meufs dans ma benz, et ben c'est la même. Cherche pas ici, c'est dance floor. Freaky freaky benz. Or, freaky freaky. Baiser string et triqué en boîte. Une putain de clique équipée. On squat. Le chart, c'est normal, j'ai le couplet qui plaît. Blah. Come on, please don't wait too long. Cause I got plenty come on, of songs. Never shady, mine is strong. This is for me. Radio Sud. Radio Sud. I don't know what you heard about me. Put a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me. Put a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. Now shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, boy.